Vous savez, on passe beaucoup de temps à essayer d'organiser le monde. On invente des horloges et des calendriers, on essaie de prédire la température. Mais sur quelle partie de notre vie a-t-on réellement un contrôle total? Ok, wesh K.A. On est, quel jour aujourd'hui, dis-moi quelle heure il est. Même sort pas une blague 40 bar ces temps-ci, c'est vrai, j'ai pas les moyens de m'en acheter une. Mais t'inquiète pas, j'ai confiance, ça reviendra comme la plaie. Y'a pas un jour où je consomme pas tétrahydrocannabinol, ça c'est sûr, ma feuille serait plus blanche qu'une albino. En gros ça donne l'inspi, un peu d'espoir et puis ça passe le temps. Je balance la bite vénère, comme ça c'est sûr, quand je pose je hausse le ton. Le ton monte, le temps manque, je gamberge dans ma planque. J'ai tellement besoin, mais c'est pas bien de braquer une banque. Mais pas peur de salir les mains, de façon l'argent est sale d'office. Ils veulent nous la faire à l'envers, comme l'agent spécial d'office. Ah t'as pas tornigas mais toute ta vie t'auras un sale gouffiste. Moi je te conseille le contraire, ne vois pas ça comme un sacrifice. On est des éléments, on a que nos couilles pour se le défendre. C'est pas un jour sans qu'un humain baisse pas son fruit et donne ses fesses. Bref, passons, concentrons-nous déjà sur ce qu'on sait faire. Pour faire le tube de l'été, une sonnerie mobile et c'est fait. J'espère pas d'imposture, dans mon rap y'a pas d'implant. Ma mère avant que fait creux, je vais un son lourd, histoire kiffée après ma mort. Sois joyeux frérot, ouais y'a des jours faut peut-être faire autre chose. Les majeurs ont des lumières bleues dans leur maison close. C'est under les gars, on se bon pour la bonne cause. MC non relégable, on se maintient même sans le buzz. Y'a pas longtemps je me réveille, j'ai la pêche et la banane. L'après-midi j'apprends qu'un pote est mort sur sa bécane. Cette nouvelle se transforme en longue méditation. Dans ces moments là je suis plus actif mais de tension. On nage tous dans la merde et le pire c'est qu'on a même plus pied. Nico nique ta mère, je vois son nez contre mes poils plus ça bien. Change pas, les temps sont durs, donc on part à la chasse aux Zeyo en espérant un jour faire plus de chiffres que la chatte à Zaya. La chance tourne, s'évapore le tout comme une flaque d'eau. Si le mec tout, si le vent tourne, dis-moi où vont les bâtons. Certains chavirent, n'ont même plus sens de l'orientation. Un peu du père pour vivre dans ce monde, faut un mental d'acier. Y'a des jours on se dit c'est le bon, alors ça tente sa chance au rapido. Je suis pour le bénéf, moi je me vois bien toutes les poches remplies d'or. L'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est le moteur du voleur. Je construis ma vie proprement, j'ai le CAP bricoleur. Dédicace aux vrais et ceux qui survivent avec 400 balles. Je marche avec vous, nique la justice et son putain de symbole. Une balance, drôle de logo, j'en suis égaré. C'est pour ça qu'il y a autant de poucaves au mètre carré. Sous Big B, j'ai le mental, le doigt dans leur trou de balle. Les pédophiles ressortent, récidive, je deviens tout pâle. Le temps défile, ma vie, je la fume jusqu'au bout du filtre. C'est comme un film, il y aura une fin, donc j'en profite. Y'a trop de mythos, et tout monté, moi faut que je me tire, j'en ai marre de ces mecs qui veulent nous faire croire que le goal peut marquer un but du 6 mètres. C'est un truc pas crédible, comme récemment la mort d'Oussama. Pour que j'appelle au boycott, la vérité reviendra doucement. Y'a trop de mythos, et tout monté. Qui veulent nous faire croire que le goal peut marquer un but du 6 mètres. C'est un truc pas crédible. Pour que j'appelle au boycott, la vérité reviendra doucement.